Ce jeune garçon était au catéchisme. Il n'avait alors que 9 à 10 ans. Les grands garçons et les grandes filles avaient répondu à la question du curé « Combien de fois doit-on pardonner au prochain ?» Les uns 70 fois 7 fois, comme le dit l'Évangile, les autres le plus qu'on peut. Quand le pasteur en fut au petit homme, celui-ci répondit « On doit pardonner tous les jours. » « Vous avez raison, mon enfant, dit le curé, en lui prenant la joue. Vous avez le mieux répondu. Notre prochain nous offensa-t-il tous les jours? Tous les jours, il lui faut pardonner. » Le mot de « tous les jours » ne tomba pas. On en fit le sobriquet du petit garçon, qui l'a toujours honoré, comme on peut le voir dans l'ouvrage que j'ai cité. Edmond fut très satisfait de la conduite du jeune tous les jours. Ils contractèrent une tendre amitié. Et comme cette aide lui donnait un peu de relâche, il se remit à ses moments de loisir à une étude bien importante pour le cœur humain, celle de nos écritures sacrées. Il y avait dans la maison paternelle une Bible complète, un peu gauloise, mais qui, par là même, exposait les belles vérités renfermées dans ce plus ancien des livres, d'une manière plus naïve et plus touchante. Ce fut là qu'Edmond, dont le cœur était droit, puisa cette excellente philosophie qui doit le distinguer un jour. Il y prit le goût des vertus sublimes et patriarcales. Il trouva dans le Lévitique, dans les Nombres et surtout dans le Deutéronome, la jurisprudence de la raison et la source de toutes les lois. Parvenu au livre Sapientio, il les lut avec admiration. Il y apprit les principes de la véritable économie, qu'il aimait déjà, la véritable conduite des époux dans le ménage. Enfin, il conçut par cette lecture que le mariage est le seul état légitime de l'homme, et qu'à moins d'empêchement physique, c'est un crime d'en prendre un autre. Il lut les prophètes, mais jamais il ne nous a dit ce qu'il en pensait. Un esprit si juste ne pouvait apparemment goûter l'enthousiasme. Quant au Nouveau Testament, qui fait comme la seconde partie de la Bible, il n'a jamais fait lire dans les lectures de famille que l'Évangile de saint Matthieu, les Actes et les Épîtres de saint Jean. J'ignore absolument la raison de cette conduite. Il ne s'en est jamais expliqué. Mais le livre auquel il avait voué son admiration, celui auquel il revenait sans cesse, qu'il citait toujours, c'était la Genèse, et dans la Genèse, son héros était Abraham. Il étendait son respect pour ce patriarche jusque sur ses descendants, chargés aujourd'hui de l'exécration publique, et il leur a souvent donné des marques touchantes d'humanité, et même de considération. À la fin de ce semestre, Edmond ne retourna pas à Noyers chez l'avocat rétif. On voulut qu'il vît la capitale. Il partit pour Paris le 11 novembre 1712 et entra clair chez un procureur au Parlement nommé Maître Mollet. C'est ici un nouvel ordre de choses, mais Edmond sera toujours le même. Quoique d'un tempérament vigoureux, le respect qu'il avait pour sa mère s'étendait à tout son sexe et le préserva toujours du libertinage. D'ailleurs, il était laborieux et l'occupation est l'antidote de tous les vices. Je ne dois pas omettre de petite aventure qui lui arriva dans son voyage. Plein de vigueur et de santé, Edmond dédaigna toute espèce de voiture publique. Chargé de son paquet, composé d'un habit propre, 2 vestes, 2 culottes, 8 chemises, plusieurs paires de bas, enfermé dans une peau de chèvre, à l'épreuve de la pluie, il gagnait au pied et faisait gaiement 18 lieues par jour. Il en aurait pu faire davantage, s'il n'avait eu qu'un jour à marcher, mais il en avait au moins 3. La dernière journée, à 5 lieues de Paris, il fut accosté par un vieillard à cheveux blancs, chargé d'une banne fort pesante. Ils marchèrent quelque temps de compagnie. Edmond, qui avait doublé le pas pour arriver de bonne heure, allait fort lestement. « Oh, jeune homme, que vous êtes heureux !» lui dit le vieillard. « Votre paquet n'est qu'une plume pour vous, et si je gage qu'il est plus pesant que le mien ?»« Mais c'est qu'avec le mien, outre son poids, je porte encore 70 années que j'ai sur la tête. Il faut vous laisser aller seul. » Edmond, touché du discours du vieillard, lui répondit « Si vous le souhaitez, je vous soulagerai pendant quelques lieues. Ce fardeau ajouté au mien ne me surgera guère. Et je ne serai privé ni de votre honorable compagnie, ni de votre conversation récréative et amusante. » Effectivement, le vieillard, c'était un Lyonnais qui allait et venait sans cesse dans les pays étrangers pour son commerce, avait enchanté le jeune air par sa conversation. Il fit quelques petites difficultés, mais comme l'offre était l'équivalent d'une proposition qu'il cherchait à faire, il se rendit. Ils vinrent ainsi jusqu'à Villejuif. Là, le vieillard offrit un petit rafraîchissement, mais le jeune homme, qui ne buvait pas de vin et qui était pressé d'arriver, le pria de remettre cela jusqu'à Paris. « Mais vous êtes fatigué ? Je vous porterai avec votre banne, si le malheur voulait que vous ne puissiez marcher. » Le vieillard ne se sentait pas d'aise de trouver un garçon si complaisant. « Je me fie à vous, comme à mon fils, lui dit-il. J'ai affaire ici un instant. Laissez-moi la banne. Mais si vous le trouvez bon, je mettrai dans votre paquet ce qu'il y a de plus pesant. » Edmond, l'innocence et l'ingénuité même, y consentit volontiers. Le vieillard arrangea cela comme il voulut. On recousut ensuite la peau de chèvre avec du gros fil, et le jeune homme la remit sur son dos pour continuer sa route. « Si je ne vous rattrape pas avant d'entrer à Paris, lui dit le vieillard, attendez-moi à cette adresse. » Il lui donna celle d'un cabaret de la rue Mouffetard, où il était connu. Le jeune Edmond arriva seul aux barrières. On lui demanda ce qu'il portait. « Mon paquet, un habit, mon linge. » On entr'ouvrit la peau de chèvre, et la vérité de la déclaration fit négliger de fouiller entièrement. D'ailleurs, on sait que les commis ne recherchent avec une certaine exactitude que sur les gens vendus ou suspects. Un jeune homme naïf, dont la candeur brillait sur le visage, ne leur donna aucun soupçon. Il passa, et fut attendre le vieillard pour lui remettre son dépôt. Celui-ci n'avait eu garde de le rejoindre, ni d'entrer par la même barrière, ni même de l'aller prendre à l'endroit indiqué. Il gagna par la porte Saint-Bernard, où il fut fouillé jusque sous la chemise. Il fut même suivi, car on connaissait une partie de ses ruses, et on ne pouvait imaginer qu'il vint à vide. Il alla dans une rue fort éloignée de celle où il avait dit au jeune R de l'attendre. Mais il se hâta de lui dépêcher un petit garçon qui l'amena chez des personnes auxquelles Edmond remit le dépôt. Ensuite on le conduisit auprès du vieillard. Dès qu'il fut entré, cet homme rusé vint se jeter à son cou, en lui donnant 1000 bénédictions et lui faisant 1000 caresses. Edmond fut surpris de cet excès de reconnaissance. Aux caresses succéda l'offre d'un louis d'or. Edmond remercia en rougissant et dit qu'il était assez heureux d'avoir obligé un honnête homme sans en recevoir un paiement si considérable. Il pria seulement qu'on voulût bien le faire conduire chez le procureur auquel il était adressé. Mais le vieillard voulait absolument qu'il acceptât le louis d'or, et pour l'y engager, il lui découvrit l'importance du service qu'il venait de lui rendre. « Vous m'avez entré, lui dit-il, pour plus de 100 000 livres de marchandises. Ce n'est rien que ce que je vous présente, et en bonne conscience. Je devrais vous offrir davantage, mais je sais votre adresse. Soyez sûr que je ne l'oublierai jamais à un si grand service. » Edmond connut alors que c'était un contrebandier. Les marchandises qu'il avait entrées devaient être des pierres précieuses. Il avait des notions justes de ce qu'on doit au prince, qui ne perçoit des droits que pour le bien de l'État. Jamais dans son pays, il n'avait voulu se prêter aux petites fraudes sur les droits des vins, du sel ou du tabac. Il répondit au vieillard d'après ses principes. « Monsieur, je vous ai servi dans la droiture de mon cœur. Je n'en suis pas fâché, mais je suis au désespoir d'avoir contribué à frauder les droits du prince. Recevez un prix. Ce serait participer à une action que je déteste. Soyez sûr de ma discrétion. Je ne suis point un traître. Mais adieu, je ne prendrai pas ici un verre d'eau. » Et il sortit, laissant le vieillard et ses hôtes dans le plus grand étonnement. Le procureur Mollet, lorsqu'il eut Edmond, voyant un beau garçon qui avait l'air d'un Hercule et la douceur d'une fille, le mit à différentes épreuves, pour s'assurer de lui, dans la vue de lui donner toute sa confiance. Edmond, dans l'innocence de son cœur, ne s'aperçut pas qu'on l'éprouvait. Il lui paraissait naturel que l'or fût répandu dans une maison riche, mais comme il était soigneux, il le ramassait, il le remettait sans mot dire sur le bureau du procureur. Seul en apparence avec deux jeunes personnes, la demoiselle et sa suivante, Edmond répondait à la première avec respect, à l'autre avec bonté. Il retournait à l'ouvrage, dès qu'il cessait de leur être utile. Le procureur fut enchanté d'avoir ce trésor dans sa maison, outre que l'infatigable Edmond expédiait l'ouvrage avec une rapidité prodigieuse, que son écriture de village était naturellement d'une beauté peu commune, et si bien formée qu'on la lisait comme l'impression. C'était un homme à tout. Il ne trouvait rien de honteux que l'inoccupation. C'était les mœurs de son pays. Il n'en a jamais changé. Il devint bientôt cher à toute la maison. On le lui montra, on le lui dit, et il n'en abusa pas. Lorsqu'on lui avoua les épreuves, il fut étonné, mais sa réponse fut un agréable sourire. Tant de mérite fut sur le point de faire la fortune d'Edmond, et c'est peut-être ce qu'on va lire bientôt qui est le plus beau trait de sa jeunesse. Parfaitement connu de son procureur, au bout d'un an de séjour, cet honnête homme désira de l'avoir pour gendre. Il en parla à sa fille, de concert avec son épouse, mais la jeune personne avait le cœur prévenu. Elle n'osa cependant pas le déclarer à ses parents. Elle garda un modeste silence. Edmond, depuis ce moment, était regardé comme l'enfant de la maison, et y jouissait de la plus grande liberté. Il s'aperçut que Mademoiselle Mollet cherchait à l'entretenir en particulier, mais par une sorte de pudeur un peu sauvage, il l'évitait. Enfin, un jour, ils se trouvèrent tête à tête. « J'ai à vous parler, Edmond, lui dit la jeune personne, d'une chose qui est de la plus grande conséquence pour moi. Me promettez-vous de m'obliger ?»« De tout mon cœur, mademoiselle. Quoi que ce soit ?»« Oui, quoi que ce soit. Vous savez la résolution de mon père ?»« Il m'a fait l'honneur de m'en dire un mot, mais je me trouve indigne d'une si grande faveur. » « Non, monsieur, vous n'en seriez pas indigne. C'est moi qui ne vous mérite pas, ayant au cœur une autre affection. Cela vous surprend, mais, mon cher Edmond, j'attends de vous un service. Il faut me le promettre. »« Je vous le promets, mademoiselle. C'est de me refuser sans parler de ce que je viens de vous dire. » »« La chose est dure et difficile. Ce sera bien dire ce que je ne pense pas. Mais enfin, vous le voulez, je vous refuserai, mademoiselle. Mais si mon père allait m'ordonner, nous serions dans un terrible embarras. » J'ai pris une précaution. Je lui ai fait écrire par Thérèse une chose qui l'épouvantera. Je vous réponds de ce qui dépend de moi. » Dès le lendemain, le procureur s'expliqua clairement avec Edmond, qui fit entendre qu'il ne pouvait encore songer au mariage. Une pareille manière de répondre à ses bontés confondit le procureur, qui connaissait le peu de fortune de son clerc. « Jusqu'à ce moment, je vous avais cru sensé, lui dit-il. Mais dites-moi ce que vous voulez que je pense d'un jeune homme qui refuse une jolie fille avec 50 000 écus. J'aime ma fille, c'est mon unique héritière. Je veux faire son bonheur en la donnant, non à un efféminé, mais à un honnête mari, qui l'aime de façon à la préserver de l'envie ou du besoin d'en aimer d'autres. Dis donc, est-ce qu'elle ne te plaît pas ? À moi, monsieur ? C'est une charmante demoiselle. Et tu ne songes pas au mariage ? Je ne la mérite pas. Oh, ce n'est que cela. Je vais écrire à ton père. Vous êtes le maître, monsieur. J'ai de vos bontés la plus vive reconnaissance. Mais je ne saurais accepter l'honneur que vous me voulez faire. Allons, monsieur, je ne prétends pas vous forcer. Je conviens que j'ai tort. Quelques grisettes de votre village vous tournent à la tête. Vous pouvez y retourner quand il vous plaira. Le procureur, sérieusement en colère, comme le sont les bons cœurs, lorsqu'ils croient montrer de la générosité à un ingrat, alla trouver son épouse, et exhala tout son ressentiment contre Edmond. Cette dame, envers laquelle le jeune R s'était toujours montré aussi soumis, aussi respectueux que zélé, ne fut pas moins surprise que son mari. Mais, comme les femmes sont plus rusées que les hommes, elle sentit qu'un pareil refus n'était pas naturel. « Il aime une villageoise, lui dit son mari. Ce n'est pas cela, la villageoise ne l'emporterait pas sur notre fille au bout de 18 mois. J'ai d'ailleurs des preuves certaines qu'il n'est pas sans attachement pour elle. Parbleu, ma femme, la preuve en est parlante. Laissez-moi démêler tout cela avec votre fille. » Cependant, le bruit se répandit dans la maison qu'Edmond était renvoyé. Tout le monde le regrettait, et l'on allait se demandant quel était donc le sujet de mécontentement qu'il pouvait avoir donné. Mademoiselle Mollet, ayant appris ce qui se passait, en comprit bien la cause. Cette jeune personne qui n'avait osé avouer ses véritables sentiments à son père, ni même à sa mère, fut si touchée de la générosité d'Edmond qu'elle se rendit auprès d'eux après le dîner, où elle avait eu la preuve que les dispositions de son père n'étaient plus favorables pour le jeune R. Les deux époux concertaient ensemble la manière de s'y prendre, pour tirer la vérité de la bouche de leur fille, lorsqu'elle se présenta en rougissant. Elle commença par des caresses. Ensuite, elle les pria de lui pardonner. On lui demanda ce qu'on avait à lui pardonner. Alors, en hésitant, elle fit l'aveu du refus qu'elle avait exigé d'Edmond, et du motif. Le procureur Mollet fut si content de n'avoir pas à se plaindre de son favori que ce fut la première chose qui le frappa. « Vous aviez raison, ma femme. Pour vous, mademoiselle, retournez dans votre chambre, on vous parlera. » On fit appeler Edmond. « Quoi, mon ami, dit le procureur, tu m'aurais quitté pour complaire à une fille qui ne veut point de toi ?»« Monsieur, avant de me rendre à ce que mademoiselle a exigé de moi, j'y ai réfléchi une nuit entière. Et la conclusion a été qu'il était bien plus important que mademoiselle, votre fille, fut bien avec vous que votre clerc. Voilà mon motif. Du reste, je vous révère, et j'aurais tendrement aimé mademoiselle Mollet, si cela m'avait été permis. Si donc j'ai une faveur à vous demander, monsieur, c'est qu'à cause de moi, mademoiselle n'essuie aucun reproche de votre part, car cela me serait trop sensible. et je souhaite, à l'égal de mon propre bonheur, que vous puissiez lui accorder le désir de son cœur, car c'est une aimable personne, et qui mérite d'être heureuse. » Le pauvre garçon, dit M. Mollet, il se sacrifiait. Va, tu me fais regretter doublement de ne pas te voir mon gendre. Mais je suivrai ton conseil, et tu n'y perdras rien. C'est à présent que je vais raconter le trait que j'ai annoncé. Ce que je viens de dire n'en est que la préparation. Mademoiselle Mollet épousa son amant, qui était un jeune notaire, et qui paraissait un parti fort sortable. Mais elle ne fut pas heureuse, j'en dirai un mot dans la suite. Durant les noces de sa fille, M. Mollet parla d'Edmond à un de ses amis, nommé M. Pombelin, riche marchand de soieries, qui tenait la même boutique qui fait encore aujourd'hui l'angle des rues Traversière et Saint-Honoré, un peu au-dessous des 15-20. Il ne lui cacha pas le trait que je viens de rapporter, et s'étendit sur toutes les qualités du jeune homme. M. Pombelin fut enchanté. Cet homme avait deux filles, toutes deux charmantes. L'aînée surtout était une jeune personne accomplie. Son père la chérissait. Toute sa crainte était de la sacrifier en la mariant, et lorsqu'on lui en parlait quelquefois, il répétait les larmes aux yeux ces vers d'Euripide. Apostola igar macaria men al homos, dacnoisi tus tecontas otan alwa domoa, paidas paradido pola mokesta pater. Le jour des noces est beau, mais qui peut exprimer l'angoisse d'un père qui met l'une de ses enfants avec tant de soin et de tendresse élevée sous le pouvoir d'un inconnu. Ce qui effrayait encore M. Pombelin, c'est que la belle Rose était fière et dédaigneuse, et que les maris brutaux se font un plaisir d'abaisser ces sortes de femmes à proportion de la peine qu'ils ont eue à les obtenir. La confidence de son ami fit faire des réflexions à ce bon père de famille. Il résolut d'examiner par lui-même le jeune Edmond et de se régler sur ses propres découvertes. Il n'en eut pas la facilité durant les noces. Edmond, pendant ses jours de plaisir, seul à l'étude, faisait en sorte que les affaires n'en souffrissent aucun retard. Il expédiait son ouvrage et celui de ses camarades. Mais lorsque tout eut repris son cours naturel, il eut un peu de relâche. Ce fut alors que Maître Mollet lui parla de l'estime que M. Pombelin avait conçue pour lui, et du désir qu'avait cet honnête homme de faire sa connaissance. Le prétexte qu'il donna fut que le marchand souhaitait qu'il perfectionnât ses deux filles dans l'arithmétique. Il suffisait de montrer à Edmond un but d'utilité, pour être sûr de son empressement à le remplir. Il alla chez M. Pombelin. Il l'a avoué depuis, il fut ébloui des charmes de Rose. Jamais rien de si beau n'avait frappé sa vue. Cette charmante personne possédait tous les avantages de la figure, toutes les autres perfections du corps, unies aux qualités du cœur et de l'esprit. La fermeté d'Edmond ne fut point à l'épreuve de tant de mérite. Ce fut là sa première et unique passion, car il avait évité de se livrer à son penchant dans les deux occasions précédentes. Il se garda encore, dans celle-ci, d'y abandonner son cœur, avant de savoir si sa recherche serait approuvée par les parents de la demoiselle. Il remplit durant 3 mois les intentions du père, sans laisser rien échapper qui décela ses sentiments. Il n'y avait que son exactitude qui fit présumer qu'il trouvait du plaisir dans cette maison. Les progrès des deux élèves avaient d'abord été rapides. Elles savaient déjà, et dès les premiers jours, le maître crut n'avoir presque rien à leur montrer. Il vit ensuite, avec une sorte de surprise, qu'on en restait toujours au même point. Il s'en prit à lui-même et redoubla d'efforts. La plus jeune des deux sœurs, nommée Eugénie, était aussi jolie que sa sœur était belle, et aussi vive, aussi étourdie que sa sœur était grave et posée. Elle s'était aperçue de la bonne volonté de son père pour le jeune R. Elle avait entendu à la dérobée quelques discours de M. Pombelin à son épouse, où il faisait son éloge. Elle ne connaissait pas le fond de leurs intentions, mais elle présuma qu'elle ne déplairait pas à ses parents, en traitant bien ce jeune homme. Un jour qu'il lui donnait leçon, la petite personne lui dit en riant « Ne vous cassez pas la tête. Tenez, je sais faire cette règle aussi bien que vous, et même d'une manière plus courte. Nous sommes seuls, causons un peu. » Edmond, surpris de ce langage, ne put répondre. La jeune personne continua. « Je suis sûr que mon papa et maman vous aiment, et qu'ils ne vous refuseraient pas l'une ou l'autre de nous deux. Ma sœur Rose, ma sœur est plus belle. Elle l'emporterait sûrement, si elle voulait. Je ne veux pas m'attacher, qu'elle ne se soit expliquée. Faites-la se décider, et à son refus, comptez sur moi. Je vous parle franc, parce que je sais que vous l'êtes. Répondez-moi de même dès à présent. » « Mais je ne demande pas, ajouta-t-elle, voyant qu'Edmond était embarrassé, que vous me préfériez à ma sœur. je ne veux qu'adoucir son refus, si elle en fait, et vous prévenir que vous avez un pis-aller qui n'est pas tout à fait désagréable. Je sens que cela est un peu libre, et que les filles de votre pays n'en diraient peut-être pas autant. Mais soyez sûre que je ne suis pas amoureuse de vous. Non, en vérité, mais j'aimerais bien avoir un mari comme vous. Il me semble qu'une femme vivra heureuse et tranquille, avec un garçon aussi raisonnable, aussi rangé, qui n'a aucun des défauts de nos jeunes parisiens. Car vrai, monsieur Edmond, je ne les saurais sentir. Voilà ce que j'étais bien aise que vous suciez. » La sœur de la petite Eugénie rentra en ce moment. Rose prit sa leçon, et le maître se retira. Lorsque les deux sœurs furent seules, Eugénie, qui s'était bien aperçue que sa sœur aînée avait la préférence dans le cœur d'Edmond, résolut de la faire expliquer, pour savoir à quoi s'en tenir. « Ma chère Rose, lui dit-elle, tu sais que nous sommes aussi bonnes amies que bonnes sœurs. Tiens, parle-moi sincèrement. Si mon papa et maman te proposaient M. R., le prendrais-tu ? J'ai mes raisons pour te faire cette question, à laquelle il faut répondre sincèrement. Il n'y a pas là à rougir, et je ne suis pas à ton égard un personnage aussi terrible. Allons, parle donc. » « En vérité, dit Rose, voilà une singulière idée qui te prend là tout d'un coup. Je te le répète, j'ai mes raisons. Que penses-tu de notre maître ? Mais qu'il ne ressemble point du tout aux jeunes gens que j'ai vus jusqu'à ce jour. Ainsi, tu n'aurais pas d'objection à faire contre lui ? Je n'arrête pas mes idées là-dessus. » « Oh bien, moi, j'y arrête les miennes. Le mariage est un état honnête, ce me semble, car maman ne me paraît point du tout honteuse d'avoir épousé notre papa. Bien plus, je crois qu'il est très important d'y songer beaucoup. » Car cet engagement-là est pour la vie. En vérité, Eugénie, c'est à tort qu'on te nomme folle. Voilà raisonner avec une sagesse dont je ne t'aurais pas cru capable. Eh bien, ma petite sœur, si c'était mon père et maman qui le voulussent, je verrais. Non que j'aime ce jeune homme, mais il est tel qu'il faut, pour ne pas m'inspirer de répugnance pour le mariage. Et voilà tout justement ce que je viens de lui dire. Nous avons les mêmes idées. À qui de lui dire ? À Edmond. Sa timidité m'a touché. Comme je craignais que tu ne le refusasses, et qu'il est déjà si timide, qu'un refus l'aurait, je lui ai dit, pour lui marquer de la considération, et l'enhardir un peu, que si tu le refusais, que je ne le refuserais pas. Quoi, ma sœur, vous avez... Il n'y a pas de mal à cela. Il te plaît, on m'en trouvera bien un autre. Dès demain, je lui dirai que tu consens. Mais cela ne se fait pas comme ça, ma sœur. Gardez-vous bien. Je ne lui dirai donc pas, mais si tu dois te marier, la première... Je pourrais bien attendre jusqu'à 30 ans. Il ne dira rien. Tu ne parleras pas, au contraire, car je te connais. Tu vas devenir plus fière. C'est à nos parents. Ah, tu as raison, je vais le dire à papa. Et la petite folle, sans écouter sa sœur, qui la voulait retenir, y courut en chantant.